me like hell. Spre femurile este ale, mi-vare ne problem, juste le temps d'une soirée. Car c'est vrai combien même je le sens, je le sais. Au plus profond de moi-même, j'ai envie de crier. I born to be famous, say, say, the famous. I born to be famous, say, say, the famous. I born to be famous. Facilité et le reste, c'est soit tu m'aimes, soit tu me détestes. Mais sache que nul ne veut me tester, car je sais que je suis né pour ça. J'en ai besoin comme de mon cœur qui bat. Et peu importe ce que tu penses à, la musique fait partie de grand de moi. Et je ne vis que pour cette musique, que faire chanter le public, que de manière excentrique, avec une énergie identique, et toujours prêt à me surpasser. Et aussi loin que je peux remonter dans le passé, je sais que c'est toujours ce que j'ai rêvé. Prendre mon envol et m'élever. I'm born to be famous.